Moine féodal, de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Moine féodal. D'autres, fils de barons et de princes royaux, gardent amples et clairs leurs orgueils féodaux. On les établit chefs de larges monastères, et leur nom resplendit dans les gloires austères. Ils ont, comme jadis l'aïeul avait sa tour, leur cloître pour manoir et leur moine pour cour. Ils s'assoient dans les plis cassés droits de leur bure, tels que des chevaliers dans l'acier des armures. Ils portent devant eux leur grande crosse en buis, majestueusement, comme un glaive conquis. Ils parlent au chapitre en justicier gothique, et leur arrêt confond les pénitents mystiques. Ils rêvent de combats dont Dieu serait le prix, et de guerres menées à coups de crucifix. Ils sont les gardiens blancs des chrétiennes idées, qui restent au couchant sur le monde accoudé. Ils vivent sans sortir de leur rêve infécond, mais ce rêve est si haut qu'on ne voit pas leur front. Leur chimère grandit et monte avec leur âge, et monte d'autant plus qu'on la cingle et l'outrage. Et jusqu'au bout leur foi luira d'un feu vermeil, comme un monument d'or ouvert dans le soleil. Fin de Moine féodal.